Nous sommes en train de crever à cause des dégâts qui continuent. Ça marche. C'est... La presse quotidienne va mal. Figaro. Figaro au monde, etc. Figaro au monde, etc. Ça veut dire... Ah oui, c'est pas de la désinformation. Vous savez... Pourquoi tout le monde diffuse de la désinformation? Vous savez, il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Les idées saines, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les idées qui font que ça marche. Ça marche, ça marche. Et par exemple, les idées de gauche sont des idées pas saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, oui, on y va tout droit. Gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, oui, on y va tout droit. C'est pas le travail. Faut gagner beaucoup d'argent, faut partir en vacances. Bon, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fabrique plus de produits qui se vendent, ils sont trop chers. Mais vous prenez des vacances, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'argent. J'en prends assez peu. J'en prends assez peu. Le problème n'est pas moi, vous savez, moi je travaille 70 heures ou plus par semaine, donc je suis loin des 35 heures. Gagnez beaucoup, oui, oui. Gagnez beaucoup, oui, oui, oui, oui, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, oui, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, oui, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Nous sommes en train de crever? Nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Nous sommes en train de crever? Nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Nous sommes en train de crever? La vie, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, quand on pousse les gens à dire il ne faut pas travailler, on est dans l'erreur. Quand on parle d'acquis sociaux, non. On produit moins, ça coûte trop cher, on démotive les cadres, on a des syndicats qui comprennent rien, la preuve, on a des contraintes administratives. Aujourd'hui, la France va mal, à la fois sur le plan financier, la dette du budget d'État est énorme, 1100 milliards, le déficit, on s'en fout, 45 milliards d'euros, c'est pas grave, ça sera 50 l'année prochaine, le service de la dette est le deuxième budget d'État. Bon, il faut quand même savoir ce qui se passe, et arrêter de rêver, prochaine, le service de la dette est le deuxième budget d'État. Bon, il faut quand même savoir ce qui se passe et arrêter de rêver. Gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui. Arrêtez de rêver. Gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui. Arrêtez de rêver. Gagnez beaucoup, oui, oui. Arrêtez de rêver. Vivons de la fiction. Réalité. Réalité. Réalité. Pas la fiction. La gauche trompe les syndicats, trompe les Français. Trompe les Français en leur faisant croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. On ne vit pas seul. La gauche trompe les syndicats, trompe les Français. Trompe les Français en leur faisant croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. On ne vit pas seul. On ne vit pas seul. On ne vit pas seul. On ne vit pas seul. On vit seul. Gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui, gagnez beaucoup, oui, oui. On vit pas seul. Franchement, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Vous avez tort, vous n'avez pas compris. Vous avez tort, vous n'avez pas compris. Vous avez tort, vous n'avez pas compris. On vit pas seul. Vous avez tort. On vit pas seul. Vous avez tort. On vit pas seul. Vous avez tort. Un homme de terrain. On vit pas seul. On vit pas seul. On vit pas seul. On vit seul. Gagnez beaucoup, oui, oui. Vous avez tort.